n'acceptait pas leur proposition. Trop tard, j'ai accepté. Ne signez pas. Trop tard, j'ai signé. Ne refusez pas notre offre. Trop tard, j'ai refusé. Ne démissionnez pas. Trop tard, j'ai démissionné. Ne parlez pas à la presse. Trop tard, j'ai parlé.